Un truc. Tu parles français ? Je m'en balance de ce que l'on pense, je fais mon chemin. temps est compté. Je vis ce jour comme si c'était le dernier. Aimer ou peut-être enfin désirer. Ton futur, c'est à toi de décider. Je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin. Je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin. je préfère tout voir t'amuser. Et le loin de temps où tu dansais, je vais tout faire pour tout changer. Je me souviens des premiers jours, nos discussions et nos amours. On était bien le cœur joyeux, les deux amis les plus heureux. Je

triste vie. Tout changer, tout changer. Thank you, Doc. Yes. Cent dix.